n'a pas envie de se lever. Tous les matins aller toquer, à trouver de nouveaux adeptes pour faire partie de la secte. Depuis tout petit il a suivi les instructions qu'on lui a apprises, et c'est comme ça qu'il a grandi. Rien de tout ça il n'a sont bien habillés. Ils n'osent plus se regarder. Sans buter d'avoir la majorité. Ici à la lettre des bouquets qui pour lui n'apportent plus rien. Il se rend compte que ses copains vivent leur vie à l'est. Il en fait pris un rime de vie lié à la religion. Il en est plus du tout question. Le temps est à la réflexion. Il a brisé le cocon familial et s'est irresponsable le mal avant qu'il perde les pédales. Un sac sur dos et il détale. À écrire des chansons, à jouer de l'accordéon. Il a bossé et gagné du pognon. Sauf quand il fait bon, il savoure son geste et sa bravoure. Après tout ce qu'il a vécu, une triste période mal entendue, une dépendance qu'il a vaincue, à bon entendeur salut, il savoure son geste et sa bravoure. Il savoure son geste et sa bravoure. Savoure son geste et sa bravoure.